55 minutes. Jean Bosco, Douiman. Bonjour à tous, bienvenue à ce journal. Nous sommes le 1er décembre 2016 et voici tout de suite le grand titre de cette édition. 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Les effectifs des personnes vivant avec ce virus vont croissant en commune Vianda de la province Bururi à cause du concubinage. Docteur Claudia Caneza, directrice de la clinique de Kigutu de la localité, l'a dit à notre correspondant. Nous l'appellerons. Entre-temps, la présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs, ANSS, regrette que la plupart des intervenants dans la lutte contre ce fléau ne concentrent plus suffisamment d'efforts sur le volet prévention. Dans cette lutte, vous entendrez Jeanne Gapilla. Et le projet de loi portant nouvelle réorganisation de la police burundaise, adopté hier par l'Assemblée nationale, contient malgré tout une disposition qui a été longuement débattue, à savoir l'autonomie de gestion de ce corps au regard de ses implications sur le budget général de l'État. On fera le point dans ce journal. Et une personne est morte dans un effondrement de terrain sur un site d'exploitation de l'or à Gatovu, c'est en zone Munagano. Nous sommes dans la commune de Muyinga. C'était l'après-midi de ce mercredi. Et une trentaine de restaurants et débits de boissons ont été fermés au centre-ville de Gitega à cause du manque d'hygiène. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je venais de vous le dire, nous sommes le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. La prévention du sida n'est plus une priorité au Burundi, regrette la présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs. Jeanne Gapilla interpelle les autorités à renouer avec la pratique de sensibilisation de la population à se protéger contre le sida car, ajoute-t-elle, il est toujours là et il tue. On l'écoute. Elle est traduite par Christella Nizigama. Lutter contre le sida est un travail de routine, mais on dirait que les gens ont baissé les bras. Surtout pour les uns, le sida n'est plus un problème. D'ailleurs, pour nous aussi, on dirait que la sensibilisation a diminué. Nous nous sommes surtout focalisés sur le traitement et nous avons oublié de sensibiliser pour la prévention du sida alors qu'il n'y a pas de médicaments pour guérir cette maladie qui tue encore. Ces jours-ci, bon nombre de gens voient que les personnes séropositives se portent bien parce qu'il y a des médicaments antirétroviraux. Ils croient que nous sommes déjà guéris. Il faut revenir là-dessus. Et je crois qu'il est temps de se lever pour lutter contre ce comportement, à commencer par les autorités, pour qu'ils sensibilisent encore en disant « Ne dormez pas sur les quatre oreillers. Le VIH-Sida est toujours dans notre pays. » Jeanne Gapilla, présidente de l'ANSS, et environ 600 personnes vivant avec le VIH-Sida sont prises en charge à la clinique de Kigutu, 6 ans commune Vianda de la province Bururi. Docteur Claudia Caneza, directrice de cette clinique, parle des effectifs qui vont sans cesse croissant à cause des pratiques de concubinage et de mariage illégaux qui semblent s'enraciner surtout dans la plaine de Limbo. Reportage signé Jean-Pierre Misago. Comme l'indique Dr Claudia Caneza, directrice de la clinique de Kigutu, 586 personnes vivant avec le VIH-Sida des provinces Bururi, Rumonge et Makamba sont prises en charge par cette clinique. Certains des services offerts sont le dépistage volontaire et l'octroi gratuit des ARV et des médicaments contre les infections opportunistes, mais aussi la prévention de la transmission mère-enfant. Comme le témoigne Charlotte Ndekoumenayo rencontrée sur place, elle est à sa cinquième grossesse et a mis au monde un enfant séronégatif à sa quatrième grossesse, alors qu'elle avait déjà attrapé le VIH-Sida. Docteur Kaneza fait savoir que 150 relais communautaires aident à acheminer les ARV jusqu'aux concernés sur la colline. Cependant, regrette Docteur Kaneza, les effectifs de personnes atteintes du virus du VIH et SIDA ne cessent d'augmenter, passant de 65 en 2008 à 585 sur 30 novembre 2016. Et les places à l'actif de cette situation, le concubinage et les mariages illégaux sans dépistage préalable, surtout dans la plaine de Limbo, et appelle aux administratifs concernés de s'impliquer davantage dans ce combat. Jean-Pierre Misago depuis Kigutu, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Il est 13h01 à Bujumbura. Un mort et trois blessés, tel est le bilan de l'effondrement de terrain sur un site d'exploitation de l'or à Gatovu, une dans la zone Munagano, en commune Muyinga. C'était mercredi après-midi. Les administratifs de la localité demandent aux orpailleurs de se regrouper en coopérative capable de le faire assurer pour pallier à ces éventuels accidents. Dieudonné Zeyman. Dans des fossés profonds communément appelés Ibirongé sur la colline Gatovu, zone Munagano, commune Muyinga, des orpailleurs y ont pénétré à la recherche de l'or mercredi après-midi. Quand ils ont commencé à frapper sur les pierres afin de récolter des matières fines dans lesquelles ils recherchaient de l'or, le terrain s'est écroulé sur le coup et l'orpailleur a rendu l'âme. Trois blessés ont été évacués vers les structures de santé, d'après Bernard Zinahora, chef de zone Munagano. Pour cet administratif, c'est un accident survenu sur un site d'exploitation illégale. Il conseille à ses orpailleurs de se regrouper en coopérative capable de leur procurer un minimum d'équipements de protection tels les casques et penser à leur protection sociale par des assurances accidents. Un tel accident avait fait à mort à Kamaramagambo, cette fois-ci en commune Butihinda, vendredi de la semaine dernière. Le Denis Zeymana, Muyinga Radio Isanganiro. Merci Dieudonné de Muyinga. Nous nous rendons à Gitega où nous retrouvons Arthur Kavabushi qui nous rapporte qu'environ 30 maisons abritant des restaurants et bistrots de la ville de Gitega ont été fermées depuis ce lundi à cause du manque d'hygiène, comme le confirme Emmanuel Nguendakurio, responsable du département de la promotion de la santé dans la commune de Gitega. Les propriétaires des restaurants et bistrots fermés indiquent que ce commerce représente leur source de revenus et s'inquiètent de leur survie. Arthur Kavabushi, depuis Gitega. Selon Emmanuel Nguendakurio, responsable communal en charge de la promotion de la santé communautaire depuis ce lundi, ils ont commencé une campagne de fermeture des restaurants et bistrots de la ville de Gitega à cause du manque d'hygiène. Cette campagne qu'ils ont commencée est faite par le Bureau provincial de la santé ainsi que l'administration et la police chargée de la protection civile. Ce responsable de la promotion de la santé communautaire peut savoir qu'il y a d'abord eu une réunion du Conseil national de la sécurité et il est sorti en ordre de fermer tous les restaurants et bistrots de la ville de Gitega en manque d'eau sanitaire et d'eau potable. Dans cette campagne qui continue, environ 30 restaurants et bistrots sont jusque-là fermés et c'est l'administration communale qui met les cadenas sur ses maisons tout en faisant savoir aux différents propriétaires de bien préparer là où ils travaillent afin de recevoir la permission de réouvrir. Parmi les conditions exigées pour avoir l'autorisation de réouvrir, il y a le fait que la maison abritant les sanitaires doit avoir un puisard, une dallette, une porte bien couverte et un robinet afin que celui qui y revient puisse se laver avec un savon. Les propriétaires de ces maisons font savoir qu'ils n'ont pas été consultés et ils demandent qu'on leur ouvre les portes pour continuer à travailler et aménager les sanitaires selon les conditions exigées. Pour le moment, ils ne voient pas comment ils vont continuer à vivre, étant donné que c'était l'unique activité qui faisait vivre leur famille. Sachez que cette campagne a déjà eu lieu dans les quartiers de Nyamugari, Musinzira et Chatanya et qu'elle va se poursuivre dans les quartiers de Yoba, Magarama, Nyabututsi, Mushasharango et Nyabiharage. Depuis Gitega, Arthur Kavabushi pour la radio Isanganiro. Merci Kavabushi. Je vous l'avais dit dans les titres, les nouvelles réformes dont l'autonomie gestion se trouvant dans le projet de loi sur le fonctionnement de la police

pour qu'ils nous viennent en aide parce que ça fait longtemps que nous souffrons de ce taux qui continue à détruire nos maisons. Ça fait longtemps que nous avons demandé ça à la mairie. On a commencé par la zone et après on a demandé ça à la commune. Par après, on est allé à la mairie, mais en vain, on attend. Ces habitants de la zone Bwiza disent avoir déjà eu une promesse de la part de la mairie de Bujumbura qu'ils ont attendu, mais en vain. Merci et nous restons dans la ville de Bujumbura pour vous dire que dans certains quartiers, un kilo de sucre coûte actuellement 2500 francs-bois alors que c'était autour de 2000 ou 2200 ces derniers jours. Certains commerçants demandent à l'État de diminuer le prix au kilo de sucre pour que les consommateurs puissent acheter le sucre sans se plaindre. Grâce, Niyonzima. Dans certains quartiers de la ville de Bujumbura où la radio Isanganiro est passée, il s'observe une montée du prix du sucre. C'est l'affirmation de certains commerçants. Ils disent qu'un sac de 50 kilos qui s'achetait à 90 000 francs, maintenant il se vend à 116 000 francs. Ils expliquent que les clients ne s'approvisionnent plus en sucre à cause de cette montée. Le prix du sucre a augmenté. Un sac de sucre a changé de prix. Avant, on pouvait l'acheter à 92 000 francs bout et après ça a changé de prix pour coûter soit 94 000 francs, soit 98 000 francs, 110 000 francs et voire 115 000 francs actuellement. Donc ça a beaucoup changé chaque fois qu'on allait s'approvisionner. Avant, on vendait un kilo de sucre à 1900 francs bout, mais actuellement c'est 2500 francs. Les gens l'achètent mais ils se plaignent suite à cette hausse des prix et ce n'est pas bien parce qu'on a de moins en moins de clients, étant donné qu'ils nous prennent pour responsables de cette situation. Les prix ont augmenté de manière exagérée. Auparavant, on achetait un sac de sucre à 90 000 francs bout, mais actuellement, ça coûte 116 000 francs bout. Avant, on vendait un kilo de sucre à 2 000 francs bout, mais actuellement, on le vend à 2 500 francs bout. Ces commerçants demandent au gouvernement de diminuer les prix au moment où la population est dans la misère. Et la police a effectué ce matin une fouille perquisition au quartier Muremera sur la colline Taba du chef-lieu de la province Ngozi. Le commissaire provincial adjoint a dit que cette opération est un travail de routine. Le chef de poste de police Ngozi fait savoir qu'aucune arme n'a été saisie et personne n'a été arrêté au cours de cette opération. Ainsi se referme ce journal, mais avant de le clore définitivement, sachez qu'en actualité internationale, Paris accuse réception de la demande de coopération judiciaire que lui a adressée Kigali dans le cadre de l'enquête ouverte mardi au Rwanda sur le rôle d'une vingtaine de responsables français durant le génocide de 1994. Et cela fait des années que le Rwanda accuse la France d'avoir participé au massacre qui, à partir d'avril 1994, ont fait environ 800 000 morts, essentiellement parmi la minorité Tutsi. Cette fois, le parquet demande à la France de lui permettre d'entendre les personnalités qu'elle soupçonne d'en être responsable, pour l'essentiel des hauts gradés de la main française, qui a toujours nié une quelconque responsabilité. Le Quai d'Orsay confirme cette demande rwandaise qui a été bien transmise au ministère français de la justice pour examen, mais il estime que cela n'appelle aucun commentaire de sa part. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous en rappelle les grandes articulations pour nous séparer. 1er décembre, c'est aujourd'hui, et c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Les effectifs des personnes vivant avec ce virus vont croissant en commune Vianda de la province Bururi à cause du concubinage. Docteur Claudia Kaneza, directrice de la clinique de Kigutu, l'a dit à notre correspondant. Et entre-temps, la présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs, ANSS, regrette que la plupart des intervenants dans la lutte contre ce fléau ne concentrent plus suffisamment leurs efforts sur le volet prévention dans cette lutte. Vous avez suivi Jeanne Gapia, présidente de l'ANSS. C'est le projet de loi portant nouvelle réorganisation de la police burundaise adopté hier par l'Assemblée nationale contient malgré tout une disposition qui a été longuement débattue, à savoir l'autonomie de gestion de ce corps au regard de ses implications sur le budget général de l'État. Une personne est morte dans un effondrement de terrain sur un site d'exploitation de l'or à Gatovu, en zone Munagano de la commune Muyinga. C'était l'après-midi de ce mercredi. Et une trentaine de restaurants et débits de boissons ont été fermés au centre-ville de Gitega à cause du manque d'hygiène.